بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Dieu, et il est le puissant, le sage. À lui le pouvoir suprême sur les cieux et la terre. Il donne la vie et il donne la mort. Et il est tout-puissant. Il est le premier et le dernier, l'apparent et l'immanent, et il est omniscient. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Puis il s'est établi sur son trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Dieu observe parfaitement tout ce que vous faites. Il possède le pouvoir suprême sur les cieux et la terre, et c'est à lui que toute chose sera ramenée. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et le jour dans la nuit. Et il connaît parfaitement le contenu des poitrines. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Croyez en Dieu et en son messager, et dépensez des biens qu'il a mis entre vos mains pour un temps. Ceux d'entre vous qui croient et qui dépensent en charité recevront une grande récompense. Qu'avez-vous à ne pas croire en Dieu? Le messager vous appelle à croire en votre Seigneur, et celui-ci a déjà pris acte de votre engagement, si vous êtes croyant. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. C'est lui qui fait descendre des signes clairs sur son serviteur, afin de faire sortir des ténèbres vers la lumière. Dieu est certes compatissant envers vous et très miséricordieux. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier de Dieu, alors que c'est lui qui héritera des cieux et de la terre? Ne sont pas égaux ceux qui ont dépensé et combattu avant la victoire et ceux qui ne l'ont pas fait. Les premiers occupent des rangs plus élevés que ceux qui ont dépensé et combattu après la victoire. À chacun cependant, Dieu a promis une belle récompense et Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Quiconque fait de bonne grâce un prêt à Dieu, ce dernier le lui multipliera, et il recevra en plus une généreuse récompense. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière irradiant devant eux et vers leur droite, on leur dira: voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels vous demeurez éternellement. Voilà le triomphe suprême. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui auront cru: laissez-nous vous emprunter un peu de votre lumière. Il leur sera dit: retournez en arrière et cherchez vous-même de la lumière. C'est alors qu'un mur sera érigé entre eux, dans lequel sera percée une porte, dont l'intérieur contiendra la miséricorde, et dont le côté extérieur fera face au châtiment. Mais les hypocrites leur crieront: n'étions-nous pas avec vous? Et les autres répondront: oui. Mais vous vous êtes encouragés les uns les autres à sombrer dans la tentation. Vous avez longtemps cru que vous auriez le dessus sur nous, et vous étiez dans le doute. Vous vous êtes laissé bercer par de vains espoirs, jusqu'au moment où est venu l'ordre de Dieu. Et le trompeur, le diable, vous a trompé au sujet de Dieu. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Aujourd'hui donc, nulle rançon ne sera acceptée, ni de vous ni de ceux qui n'ont pas cru. Votre demeure est le feu. C'est lui qui devient votre compagnon inséparable. Et quelle horrible destination. Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li-dhikri الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون Le moment n'est-il pas venu, pour ceux qui croient, que leur cœur s'humilie à l'évocation de Dieu et devant la vérité qui est révélée, afin qu'ils ne deviennent pas comme ceux qui ont reçu l'Écriture avant eux. Leur vie avait été prolongée au point où leur cœur s'était endurci, et plusieurs d'entre eux étaient des pervers. Sachez que Dieu redonne la vie à la terre après sa mort. Nous vous avons clairement exposé nos signes. Peut-être comprendrez-vous. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Ceux et celles qui donnent en charité et qui font de bonne grâce un prêt à Dieu, ce prêt leur sera multiplié et ils recevront une généreuse récompense. Et ceux qui croient en Dieu et en ses messagers, les voilà les véridiques et les martyrs auprès de Dieu. Ils recevront de lui leur récompense et leur lumière. Quant à ceux qui auront refusé de croire et auront rejeté nos signes, ils seront les habitants du feu. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'ostentation entre vous et une rivalité en bien et progéniture. Elle est à l'image d'une pluie féconde ayant fait surgir de la terre une végétation qui à pleine maturité réjouit le cœur des cultivateurs, mais qui par la suite se dessèche et jaunit, pour n'être réduite à la fin qu'à des débris s'effritant au vent. Et dans l'au-delà, il y aura soit un pénible châtiment, soit le pardon et l'agrément de Dieu. Et la vie d'ici-bas n'est faite que de jouissances illusoires. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et vers un jardin aussi large que le ciel et la terre réunis. Préparez pour ceux qui auront cru en Dieu et en ses messagers. Telle est la grâce de Dieu qu'il accorde à qui il veut. Et Dieu est le détenteur de la grâce infinie. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Il n'est point de calamité frappant la terre ou vous affligeant personnellement qui n'ait été inscrite dans un livre avant que nous ne l'ayons produite, et cela est si facile pour Dieu. Afin que vous ne regrettiez pas un bien qui vous échappe, ni ne vous réjouissiez à l'excès d'un bien que Dieu vous a octroyé. Dieu n'aime point les arrogants, infatués de leurs richesses, qui se montrent avares et encouragent les autres à l'avarice, et quiconque se détourne, qu'il sache que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. Et nous avons révélé par leur voix l'écriture et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, mais aussi mainte utilité pour les gens, afin que Dieu reconnaisse ceux qui les soutiendront en secret, lui et ses messagers. Dieu est certes fort et tout-puissant. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accorder à leur descendance la prophétie et l'écriture. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'autres devinrent des pervers. برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Puis vinrent sur leurs traces nos autres messagers, et nous fîmes en sorte que Jésus, fils de Marie, les suive également. Nous lui donnâmes l'Évangile et inspirâmes compassion et miséricorde dans le cœur de ceux qui le suivirent. Mais la tradition monacale qu'ils inventèrent, nous ne leur avons pourtant jamais prescrite. Ils voulaient, en la pratiquant, rechercher l'agrément de Dieu, mais ils ne l'observèrent pas comme il se devait. Alors nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui croyaient, mais beaucoup d'entre eux étaient des pervers. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ô vous qui croyez, craignez Dieu et croyez en son messager, afin qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde. Il vous donnera une lumière pour vous guider et vous pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce de Dieu, et que la grâce est tout entière dans sa main. Il l'accorde à qui il veut. Il est le détenteur de la grâce infinie.